السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. L'auteur, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, chapitre: quiconque concrétise l'unicité entrera au paradis sans jugement. Et la parole d'Allah le Très Haut, dont la traduction du sens est: Ibrahim, Abraham, était un guide, Ummah, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Surat Nahl, verset 120. Et il dit, Subhanahu wa ta'ala, c'est dont la traduction du sens est: et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Surat Al-Mu'minun, verset 59. Maintenant, on a l'explication du très savant cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. يقول شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité. Quel chapitre? On parle de Bab, Ben Haqqaqa Tawhid, Dakhala Jannata Bighayri Hisab, chapitre: quiconque concrétise l'unicité entrera au paradis sans jugement. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il a mentionné l'unicité et son mérite, il convenait qu'il mentionne la mise en évidence de sa concrétisation. Car la complétion de son mérite, Kamal Fadlih, comme il a dit le cher ici, il a dit que la complétion de son mérite ne se réalise que par la complétion de sa concrétisation. Puis il explique les termes un par un, comme à son habitude, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, il dit « حَقَّقَ التَّوْحِيدِ أي خَلَّصَهُ وَصَفَّاهُ مِنْ شَوَائِبِ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْمَعَاصِ » حَقَّقَ التَّوْحِيدِ a concrétisé l'unicité, c'est-à-dire l'a filtré, purifié de toute souillure d'association, et de toute souillure d'innovation religieuse, et de toute souillure de désobéissance. « بِغَيْرِ حِسَابِ أي لَا مُحَاسَبَةَ عَلَيْهِ » Bighayri hisab, sans jugement, c'est-à-dire sans jugement à son égard. Ummah ay qudwa wa imaman mu'alliman lil khair. Cheikh Al-Uthaymeen, dans Shah Kitab al-Tawhid, le Khul Mufid, Shah Kitab al-Tawhid, il expliquait les différents sens du mot Ummah. On ne va pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas dans le Shah Cheikh Al-Fawzan, mais je vous donne une source et c'est dans le premier volume de Qal al-Mufid. Ummah, un guide, et c'est un des sens que Cheikh Al-Uthaymeen d'ailleurs a cité. Un guide, c'est-à-dire un modèle et un guide qui enseigne le bien, par rapport au verset qu'on a cité, Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa, jusqu'à la fin du verset. Walam yakum minal mushrikin. Après, on a le terme qanitan. Al-qunut dawam al-ta'ah. Qanitan, c'est de l'qunut qui est l'obéissance constante. Hanifa. الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف c'est quoi? حنيفا c'est voué exclusivement en français, on a traduit cela comme de cette manière. Et الحنيف c'est celui qui s'oriente vers Allah seul et se détourne de tout autre que lui. ولم يكو أصلها يكون حذفت النون تخفيفا. ولم يكو à la base c'est يكون, hein, mais la lettre Noun a été supprimée par allègement. Min al-mushrikin ay qad faraqa al-mushrikin bil-qalbi wal-lisan wal-badan wa ankara ma kanu alayh. Min al-mushrikin, du nombre ou au nombre des associateurs, il n'était pas au nombre des associateurs, c'est-à-dire qu'il s'est dissocié des associateurs par le cœur et par la langue et par le corps, et qu'il a réprouvé ceux sur lesquels ils étaient, c'est-à-dire en termes d'adoration, de shirk, etc. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ. والذين هم بربهم لا يشركون et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Ils n'adorent personne d'autre que lui avec lui. C'est-à-dire en même temps que lui. والمعنى الإجمالي للآية الأولى. On a cité deux versets. Un de surat Nahl, un de surat Mu'minun. Le premier qui est de surat Nahl, المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. Le rapport, pardon, le sens général des versets, et on a rapporté ici le sens général du premier verset, par rapport aux deux versets qu'on a cités, et c'est celui de surat Nahl ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit son ami privilégié, son Khalil, par quatre caractéristiques. C'est qui le Khalil ici? C'est Ibrahim, alayhi salam, son Khalil. Quatre caractéristiques. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. La première de ces quatre caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son ami privilégié, son Khalil Ibrahim alayhi salam, la première caractéristique, il était un modèle dans le bien en raison de sa complétion, c'est-à-dire c'est le kamal, sa complétion du statut de patience et de certitude. Ces deux caractéristiques, la patience et la certitude, par lesquelles s'obtient l'imamat dans la religion. Le cheikh ici fait référence à une parole du cheikh Ibn Taymiyyah, qui était un verset du Coran. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. L'imam Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit bi sabri wal yaqin tunal al imamatu fi ad-din, par la patience et la certitude s'acquiert l'imama dans la religion. Deuxième caractéristique, as-sifatu ath-thaniya annu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadati Allah ta'ala. Deuxième caractéristique parmi les quatre caractéristiques dans la description faite par Allah subhanahu wa ta'ala de son Khalil Ibrahim alayhi salam, son ami privilégié, eh bien c'est qu'il était soumis, obéissant et constant dans l'adoration d'Allah le Très-Haut. As-sifatu ath-thalitha annahu kana mu'rid 'an ash-shirki muqbilan 'ala Allah ta'ala. C'est-à-dire qu'il se détournait de l'association et se tourner vers Allah le Très-Haut. As-sifa, rahmatullah. As-sifatu ar-rabi'a, bu'duhu 'an ash-shirki wa mufaraqatuhu lil mushrikeen. La quatrième caractéristique parmi les quatre caractéristiques qu'on a citées maintenant, c'est son éloignement de l'association et sa dissociation envers les associateurs, c'est-à-dire qu'il s'est dissocié des associateurs. Alayhi salam. Munasabatu al-ayati al-ula lil-bab. Après avoir porté le sens général du premier verset qui est de Surat Nahl, il, Cheikh Al-Fawzan, rapporte, hafidahullah ta'ala, le rapport entre le premier verset et le chapitre. Parce que ces versets sont cités dans le cadre d'un chapitre, qui est Bab al-haqqaqa al-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Chapitre de quiconque concrétise l'unicité entrera au paradis sans jugement. Donc il dit annahu wasafa khalilahu bihadhihi as-sifat التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Et bien le rapport entre le premier verset, ce verset de sourate Nahl, et le chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son ami privilégié, son Khalil, par ses caractéristiques qui sont le but dans la concrétisation de l'unicité. Et nous avons été commandés de suivre son exemple. Dans la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. » Surat al-Mumtahana, verset 4. « Munasabatu al-ayat thaniya lil-bab » Le rapport entre le deuxième verset et le chapitre, c'est-à-dire le verset de Surat al-Mu'minun. أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. صلى الله عز وجل نجعلنا منهم. le rapport entre le deuxième verset et le chapitre. Allah le Très-Haut décrit les croyants qui devancent au jardin du paradis par des caractéristiques dont la plus importante est qu'ils n'associent rien à leur Seigneur, que ce soit de l'association cachée ou apparente. Et ceux qui sont tels auront atteint le summum de la concrétisation de l'unicité et entreront au paradis sans châtiment ni jugement. ما يستفاد من الآيتين أي آية سورة نحل وآية سورة المؤمنون ما يستفاد من الآيتين ce que l'on tire comme bénéfice de ces deux versets de سورة النحل et سورة المؤمنون eh bien c'est أولا فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام eh bien c'est le mérite de notre père إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثانيا الاقتداء به الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. Eh bien, c'est le prendre comme modèle dans ces sublimes caractéristiques. ثالثا بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. Eh bien, le troisième bénéfice tiré de ces deux versets, c'est la mise en évidence des caractéristiques par lesquelles se réalise la concrétisation de l'unicité. رابعا وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين Quatrième, c'est l'obligation de se tenir à l'écart de l'association et des associateurs et de se désavouer des associateurs. Khamisan, wasf al-mu'minina bi tahqiq at-tawhid. Le cinquième bénéfice, parmi ces bénéfices tirés de ces deux versets, c'est la description faite des croyants comme ayant concrétisé l'unicité. On continue dans le matn, toujours dans le chapitre. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Eh bien c'est قال المؤلف المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت Et faites attention au style de la discussion, parce qu'on va revenir par rapport à des faroïdes à tirer par rapport à ça. قَلْتُ وَرْتَقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِي قَالَ وَمَا حَدَّثَكُمْ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَى قَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il continue en disant qu'Allah lui fasse miséricorde il dit d'après Hussein ibn Abd al-Rahman qu'il a dit j'étais chez Saïd ibn Jubair qui a dit on va rapporter tous ces noms et qui ils sont après inshallah j'étais chez Saïd ibn Jubair qui a dit Qui parmi vous a vu l'étoile filante hier? Regardez, c'est un dars tarbawi, c'est un dars éducatif. Et que chacun se remette en question par rapport à ça. Vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah. Je répondis, moi. Puis je dis, quant à moi, je n'étais pas en prière. Mais je fus piqué par une bête venimeuse. Regardez, rappelez-vous ce qu'il a dit ici. Il a dit, quant à moi, je n'étais pas en prière, mais je fus piqué par une bête venimeuse. Il lui a dit, qu'as-tu donc fait? Il répondit, j'ai demandé une ruqya. Il dit, qu'est-ce qui t'a poussé à cela? J'ai répondu, un hadith qui nous a été rapporté par Sha'bi. Il dit, que vous a-t-il rapporté comme hadith? Je répondis, il nous a rapporté d'après Burayda ibn al-Husayb qu'il a dit, pas de ruqiyah, sauf pour un mauvais œil ou un venin. Il dit, comme fait bien celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, c'est-à-dire comme preuve. Mais Ibn Abbas nous a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit, les communautés me furent présentées et je vis un prophète alors qu'il y avait avec lui un groupe de moins de 10 personnes, Ar-Rahd. Et un prophète qui avait avec lui un homme ou deux. Et un prophète qui n'avait personne avec lui. Et c'est alors que me fut présentée une foule immense. Et j'eus à l'esprit que c'était ma communauté. Mais il me fut dit, c'est Moussa, Moïse et sa communauté. Je regardai alors, et voici que je vis une foule immense. Et il me fut dit, ceci est ta communauté, et avec eux, il y a 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, se leva et entra dans sa demeure. Les gens se mirent à discuter au sujet de cela. Certains dirent, ce sont peut-être ceux qui ont accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains dirent, d'autres dirent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et donc n'ont rien associé à Allah. Ils ont mentionné des choses, des autres suppositions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit alors et ils l'informèrent. Il sallallahu alayhi wa sallam dit, ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, ni al-kay, la cautérisation, et ne croient pas aux augures en fonction des oiseaux ou autres. Tatayur, c'est en fonction des oiseaux, tatayur ou autres, et placent leur confiance en leur Seigneur. Se leva alors Uqasha ibn Mihsan, qui dit, demande à Allah qu'il fasse que je sois parmi ceux-là. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, tu fais partie de ceux-là. Puis un autre homme se leva qui dit, demande à Allah qu'il fasse que je sois parmi ceux-là. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Uqasha t'a précédé en cela. Maintenant, l'explication, beaucoup, beaucoup de fawa'id. Encore une fois, l'explication, c'est un résumé, c'est un mulakhas, il l'a appelé comme ça lui-même. Si vous voulez l'explication détaillée, la plus détaillée, c'est celle de Cheikh Uthaymin, comme Cheikh Salah Suhaimi, 1200 pages, Al-Qawl Mufid de Cheikh Uthaymin. Donc nous, on va se limiter ici, mais il y a beaucoup, beaucoup de fawa'id par rapport à ce hadith. يقول شيخ الفوزان شارحا هذا الحديث تراجم الرجال الواردة أسماءهم في الحديث. C'est-à-dire que Cheikh dit, le très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan qu'Allah le préserve, les biographies des hommes dont les noms sont cités dans le hadith. Le premier, c'est Hussein, et c'est Hussein ibn Abd al-Rahman al-Sulami al-Harifi min tabi'i al-tabi'in mata sanath 36 ba'da 100 walau 93 sana. Le premier qui a été cité, c'est Hussein. Hussein, c'est qui Hussein? C'est Hussein ibn Abd al-Rahman al-Sulami al-Harifi, parmi les successeurs des Tabi'un, Atba' al-Tabi'in. Décédé en l'an 136 de l'Hégire, alors qu'il avait 93 ans. Le deuxième qui a été cité, ils étaient dans son assise d'ailleurs, c'est Saïd ibn Jubayr, roi l'imam al-Faqih, min ajillati ashab ibn Abbas, qatalahu al-Hajjaj. C'est-à-dire Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Sana 95 wa lam yukmal al-50. Saïd ibn Jubayr, c'est l'imam, le jurisconsulte, parmi les compagnons d'Ibn Abbas les plus illustres. Il fut tué par Al-Hajjaj. On a déjà parlé dans plusieurs de mes cours de l'histoire de Al-Hajjaj et combien de gens il a tué, etc. Revenez au site pour avoir plus de détails sur c'était qui, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. En l'an 95 de l'Hégire, alors qu'il n'avait pas encore complété les 50 ans. C'est-à-dire qu'Al-Hajjaj, il a tué ce Saïd ibn Jubayr, cet imam, ce faqih. Al-Sha'bi. Ismuhu Amir ibn Sharahil al-Hamdani, walida fi khilafati Umara, wa hum min thiqat al-Tabi'in, mata sana 300 ba'da al-Hijra. Al-Sha'bi, c'est qui Al-Sha'bi? On entend souvent son nom, mais son nom c'est Amir ibn Sharahil al-Hamdani, né lors du califat de Omar, et il fait partie des dignes de confiance, al-Thiqat, parmi les Tabi'un, décédé en l'an 103 de l'Hégire. Buraïda, bidhammi awalihi wa fathi thani, ibn al-Husayb, ibn al-Harithi al-Aslami, sahabiyun shahir, mata sana 63 ba'da al-Hijra. Buraïda, avec une dhamma et une fatha sur le ra, donc une dhamma sur le bas et une fatha sur le ra, Ibn al-Husayb, Ibn al-Harith al-Aslami, un compagnon célèbre, décédé en l'an 63 de l'Hégire. Ibn Abbas, al-Sahabi al-Jalil, Abdullah ibn Abbas, ibn Abd al-Muttalib, ibn Amm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'alahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqal, Allahumma faqhi fi al-Din, wa'alimu al-Ta'wil, faqana kathalik, wa mata bit-Taif sana 68 Hijriya. Ibn Abbas, c'est qui Ibn Abbas? C'est l'illustre compagnon Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une invocation pour lui, pour Ibn Abbas. Oh Allah, accorde-lui la compréhension, le fiqh de la religion et enseigne-lui la science de l'exégèse du Coran, le ta'wil. Et il en fit ainsi. Ibn Jarir dans son tafsir, vous voyez souvent, il dit wa ta'wilu al-aya, c'est-à-dire tafsiru al-aya. Et il en fit ainsi, décédé. C'est pour ça qu'on l'appelle Ibn Abbas aujourd'hui, Turjuman al-Qur'an, celui qui a expliqué le Qur'an. Décédé en l'an 68 de l'Hégire à Ta'if. Ukasha. Ukasha, huwa Ukasha ibn Mihsan ibn Hirthan al-Asadi, kana min as-sabiqin ila al-Islam. Hajara wa shahida Badra wa qatala fiha. واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 هجرية. عكاشة سكي عكاشة عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي. Et si je me souviens bien, Cheikh Al-Uthaymeen dans le Kitab Tawhid, il dit que tu peux dire عكاشة et tu peux dire عكاشة. Tu peux dire les deux. Et il fut parmi les premiers à se convertir à l'islam. Il émigra et participa à la bataille de Badr et il combattit et tomba en martyr. Lors de la bataille de l'apostasie, c'est ce qu'on appelle Harb Ridda ou Qitar Ridda avec Khalid ibn al-Walid en l'an 12 de l'Hégire. Alors, Cheikh, comme à son habitude, il explique les termes utilisés dans le hadith. Al-Kawkab, c'est Al-Najm, l'étoile. Inqadda, ay saqata minhu al-Shihab. Inqadda, c'est-à-dire qu'on est tombé l'étoile scintillante. Une étoile qui file, si vous voulez. Al-Bariha, هي أقرب ليلة مضت يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. البارحة, regardez la langue arabe comment elle précise, c'est hier. C'est la nuit qui est passée la plus proche. Comme on dit en français hier soir, hein, ou cette nuit. On dit avant que le soleil ne soit au zénith, on dit رأيت الليلة. J'ai vu cette nuit. Et on dit après que le soleil ne soit au zénith, ra'aytul bariha, j'ai vu cette nuit. Il n'y a pas de différence en français. L'udirtu, ay ladratu aqrab. Wallagru, al-lasa. Ay asabatu bisummiha. L'udirtu, je fus piqué. Ladratu aqrab. C'est-à-dire qu'un scorpion l'a piqué. Et al-lagr, c'est al-lasa. Al-lasa. La piqûre, la morsure, si vous voulez. Du verbe lasa'a. C'est-à-dire qu'il l'a touché de son poison. ارتقيت طلبت من يرقيني والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. ارتقيت, j'ai demandé la ruqya, c'est-à-dire j'ai demandé qui pouvait me faire la ruqya. Cheikh Al-Uthaymeen dit c'est le sens de istarqaytu, j'ai demandé la ruqya. Et la ruqya, c'est la récitation du Coran et des invocations légiférées sur celui qui est touché par une maladie ou autre chose similaire. ما حملك على هذا على ذلك ما حجتك على جواز ذلك ما حملك على ذلك qu'est-ce qui t'a poussé à cela, ça veut dire quelle est ta preuve quant à la permission de cela. لا رقية إلا من عين العين إصابة العائن غيره بعينه. لا رقية إلا من عين, pas de رقية sauf pour un mauvais œil. العين, c'est le mauvais œil. C'est que celui qui a le mauvais œil touche autrui de son mauvais œil. Ou huma. Al-huma, summul aqrab wa shabahuha. Al-huma, un venin. Al-huma, c'est le poison du scorpion ou toute autre chose similaire. Man intaha ila ma sami', ay akhadha bima balaghahu min al-'ilmi bi khilafi man ya'malu 'ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Celui qui s'arrête à ce qu'il entend, c'est-à-dire qu'il met en pratique ce qui lui est parvenu comme science, contrairement à celui qui pratique avec ignorance ou ne met pas en pratique ce qu'il sait, ou celui qui ne met pas en pratique ce qu'il sait. عرضت علي الأمم. قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله بمثالها إذا جاءت يوم القيامة. عرضت علي الأمم. Les communautés me furent présentées. Il est dit que ce fut la nuit du voyage nocturne, l'Isra. C'est-à-dire qu'Allah lui a fait voir leur exemple lorsqu'elles viendront le jour du jugement, ces communautés. Al-Rahd, al-Jama'a dun al-Ashara. Al-Rahd, dans la langue arabe, c'est un groupe de moins de 10 personnes. Laysa ma'hu ahad, ay lam yattabi'uhu min qawmihi ahad. Laysa ma'hu ahad, personne avec lui, c'est-à-dire que personne parmi les gens de son peuple ne l'a suivi. Quand il a vu un prophète, laysa ma'hu ahad. Un personne qui n'avait personne par qui l'a suivi. Sawadun azim, ashkhasun kathira. Sawadun azim, une foule immense, c'est-à-dire de nombreuses personnes. Fadhanantu annahum ummati. Ay li kathratihim wa bu'dihi anhum, fala yumayyizu a'yanahum. J'ai pensé que c'était ma communauté. C'est-à-dire en raison de leur grand nombre et en raison de la distance qu'il y avait entre eux et lui, le prophète. Et donc, ils ne pouvaient pas distinguer les personnes de manière individuelle. Moussa, ay Moussa ibn Imran, kalimur Rahman. Moussa, c'est Moïse. Moussa ibn Imran, celui à qui le très miséricordieux a parlé. Kalimur Rahman. Wa qawmuhu ay atba'uhu ala dinih min bani Israël. Waqawmi et son peuple, c'est-à-dire ses suiveurs qui l'ont suivi dans sa religion parmi les fils d'Israël. Bila hisab wa la adab, ay la yuhasabun wa la yu'adhabun qabla dukhulihim al-jannah li tahqiqihim at-tawhid. Bila hisab wa la adab, sans jugement ni châtiment, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas jugés ni châtiés avant d'entrer au paradis en raison de leur concrétisation de l'unicité. ثم نهض اي قام. Puis il s'est levé. قام نهض اي قام. Il s'est levé. فخاض الناس في اولئك اي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء السبعين باي عمل نالوا هذه الدرجه فانهم لم ينالوها الا بعمل فما هو. فخاض الناس في اولئك. Puis les gens ont discuté leur sujet, c'est-à-dire que ceux qui étaient présents ont discuté et ont divergé quant à ces 70 000 au sujet de l'action par lesquelles ils ont obtenu ce degré. Car ils n'ont obtenu ce degré qu'en raison d'une action. Et donc, quelle est-elle ? فأخبروه. أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء السبعين. Ils l'ont informé, c'est-à-dire qu'ils ont informé le prophète عليه الصلاة والسلام de leur divergence au sujet de ces 70 000. لا يسترقون, لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس. لا يسترقون, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas la ruqya. Ils ne demandent pas à quelqu'un de leur faire la ruqya afin de se passer des gens. ولا يكتوون, لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار. ولا يكتوون, ils ne demandent pas autrui de les cauteriser au moyen du feu. ولا يتطيرون اي لا يتشائمون بالطيور ونحوها. لا يتطيرون, ils n'ont pas recours aux augures, au moyen des oiseaux ou autres. وعلى ربهم يتوكلون, يعتمدون في جميع امورهم عليه لا على غيره ويفوضون امورهم اليه. وعلى ربهم يتوكلون, ils placent leur confiance en Allah, ils placent leur confiance en lui dans toutes leurs affaires et en personne d'autre que lui. Ils s'en remettent à lui dans toutes leurs affaires. Ils s'en remettent à lui dans toutes leurs affaires. سبقك بعكاشة أي إلى إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال. سبقك بعكاشة, عكاشة t'a précédé en cela, c'est-à-dire dans l'obtention de ces caractéristiques ou il t'a précédé dans la demande, un des deux. Le sens général du hadith. المعنى الإجمالي للحديث. يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب من الليل في الليل. فأخبرهم حسين أنه شهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما, إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي, فأراد أن يدفع عن نفسه إهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص. فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة، فأخبر أنه عالجها بالرقية. فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع، فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل. ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها، توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد، ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Quel est le sens général de ce hadith ? Hussein ibn Abdurrahman nous décrit un dialogue qui prit place dans l'assise de Saïd ibn Jubair. Regardez l'adab des salafs quand ils se parlaient les uns aux autres. Regardez l'attachement au dalil, comme on va le voir. Et regardez leur attachement à l'ikhlas. Comment ils cherchaient l'ikhlas. Et comment ils avaient peur de riya et de sum'a. Regardez, écoutez. Hussein ibn Abdurrahman nous décrit un dialogue qui prit place dans l'assise de Saïd ibn Jubair. En raison de l'étoile qui a filé la nuit, et donc Hussein les a informés qu'il avait vu l'étoile filer, car il ne dormait pas à ce moment-là. Et là, chacun maintenant, il doit se remettre en question. Mais lui, il a eu peur d'une chose. Mais il a eu peur que ceux qui étaient présents pensent qu'il n'avait vu l'étoile qu'en raison du fait qu'il était en train de prier la nuit. C'est pour ça qu'il était réveillé. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il était réveillé. Il avait peur qu'on pense ça de lui. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à ça? Peut-être que certains d'entre nous, l'a'adou billah, ils n'ont même pas fait une aggravation, mais ils espèrent qu'on pense à d'eux. Donc il dit, et donc il a voulu repousser le fait qu'on pense de lui qu'il était en adoration alors qu'il ne l'était pas. Et ce comme c'était l'habitude des plus prédécesseurs de leur ardeur quant à la sincérité. Et donc il informa de la vraie raison pour laquelle il était éveillé. Et c'est qu'il avait subi une piqûre. Et donc ensuite, la recherche est orientée dans la discussion vers le fait de questionner au sujet de ce qu'il avait fait suite à cette piqûre. Et donc, il a informé qu'il l'avait soigné au moyen d'une ruqya. Et donc, Saïd l'a questionné au sujet de la preuve. Il lui a dit, regardez l'adab. Ma hamalaka ala dhalik. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Regardez l'adab dans la... Mais il lui a demandé le dalil. Certains d'entre nous, peut-être, ils se mettent en colère quand on leur demande un dalil, a'udhu billah. Mais regardez la manière aussi dans la... Comment il lui a demandé dalil. Ma hamalaka ala dhalik. Il l'a questionné au sujet de la preuve légiférée, au sujet de ce qu'il avait fait. Et il lui a cité le hadith rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la permission de la ruqya. Il lui a dit que le fait qu'il se base sur une preuve est correct. Non seulement il lui a demandé dalil, son compagnon lui a donné son dalil qu'il connaissait, et lui a dit, « قَدْ أَحْسَنَ مَنْ إِنْتَهَا إِلَى مَا سَمِعْ » Comme fait bien, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu comme preuve, elle est comme ilm. Mais, ولكن. Hadith, Hadathan Ibn Abbas, et puis il a rapporté. Mais il avait quelque chose de mieux comme ilm. Il avait quelque chose, il l'a orienté, comme on va le voir plus tard, orienté vers quelque chose de meilleur. Regardez l'adab. Où est-ce que nous par rapport à ça? Adab. Regardez l'ikhlas. Où est-ce que nous par rapport à ça? Ikhlas. Regardez leur discussion. Où est-ce que nous par rapport à leur discussion? Il a dit, on continue la parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Il lui a dit que le fait qu'il se base sur une preuve est correct. Et puis il lui a cité une chose meilleure que ce qu'il a fait. Et c'est de s'élever au degré de la complétion de l'unicité. En délaissant les choses détestables, makruhat, alors que le besoin s'en fait. Et ce, en plaçant sa confiance en Allah, comme la situation des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comme ceux qui délaissent la ruqya et la cautérisation afin de concrétiser l'unicité. Et ils prennent le moyen le plus fort que de placer sa confiance en Allah. Ils n'ont demandé à personne en dehors de lui quelque chose de la ruqya ou plus que cela. Munasabatul hadith lil bab. Anna fihi shay'an min bayani ma'na tahqiqi at-tawhid wa thawab dhalika 'inda Allah ta'ala. Le rapport entre le hadith et le chapitre, il y a dans ce hadith quelque chose qui indique le sens de la concrétisation de l'unicité et de la rétribution de cela auprès d'Allah le Très-Haut. Et ce hadith, on a oublié de le citer, il est muttafaqun alayh, rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Et d'autres livres, Tirmidhi, Darimi, Ahmed, le Musnad. Ma yustafadu min al-hadith. أولا فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله. Ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, les chers vont citer 23. Le mérite des plus prédécesseurs est ce qu'ils voient comme signe céleste, et ce qu'ils voient comme signe céleste, ils ne le considèrent pas comme quelque chose de coutumier. Mais au contraire, ils savent que c'est l'un des signes d'Allah. Deuxième point. حرص السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء L'ardeur des plus prédécesseurs quant à la sincérité et leur grand éloignement de l'ostentation. Donc toi, akhi fillah, toi, ukhti fillah, quand tu dis quelque chose, pense et correcte ton intention, demande-toi pourquoi tu parles. Pour qui tu parles? Quand tu fais quelque chose, pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Cherchant sa satisfaction, son agrément subhanahu wa ta'ala? Ou tu le fais parce que tu veux qu'on parle de toi? Ou qu'on te voit? Thalithan, talabu al-hujjati ala sihati al-madhhab wa inayatu al-salafi bid-dalil. Troisième bénéfice, demander la preuve quant à l'authenticité de la méthodologie. Parce qu'il a demandé la preuve. Et l'importance donnée à la preuve par les plus prédécesseurs. Rabi'an, mashru'iyat al-wuquf 'inda al-dalil wal-'amal bil-'ilm, wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Le caractère légiféré de s'arrêter à la preuve et de la mettre en pratique, et que celui qui met en application ce qui lui est parvenu en termes de preuve et de science aura bien fait. 5. تبليغ العلم بتلطف وحكمة. La transmission de la science avec douceur et sagesse. 6. إباحة الرقية. La permission de la ruqya. 7. إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. 7. Orienter celui qui prend quelque chose de légiféré vers ce qui est encore meilleur que cela. Et peut-être que des fois tu le fais avec un de tes frères, si tu as un peu de fiqh, tu as un peu de fahm. Et peut-être tu te rends compte que des fois ton frère ne comprend pas et s'énerve contre toi. Alors que toi tu es en train de lui montrer quelque chose qui est meilleur pour lui, mais lui ne le sait pas. Thaminan. Fadilatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haythu uridat alayhi al-umam. Oui, donc c'était le mérite de le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le sens où les communautés lui ont été présentées. 9. الفائدة التاسعة أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم. C'est que les prophètes ont des nombres de suiveurs différents les uns des autres. 10. الرد على من يحتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم. La réfutation à l'encontre de celui qui utilise le grand nombre comme preuve et prétend que la vérité se limite à eux au grand nombre. 11. أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله. 11e bénéfice, ce qui est obligatoire, c'est de suivre la vérité, et ce même si ces gens sont peu nombreux. Je vais rapporter une histoire. On était à l'Umra en 2013, il n'y a pas très longtemps. On était au Mejid al-Ridwan, jeudi soir, pour assister au Dars du Cheikh al-Bukhari et du Cheikh Ubaid. Le Cheikh Ubaid, le Jabir, vous savez, il est aveugle. Et Abu Idriss, notre frère Abu Idriss, qui est un de ses élèves et qui connaît très bien Cheikh Ubaid, le cheikh, quand il a fini son dars, il était dans un petit bureau. Et Abou Idriss, il a eu accès à ce petit bureau parce que le cheikh le connaît bien. Il dit, cheikh, vous vous rappelez à l'époque, on n'était que 3, 4, 5 avec vous, cheikh. Il a dit, maintenant le mejid, c'est des rangs et des rangs, le mejid, il est rempli. Cheikh Abed, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Alikum bituruqil huda. Walauqil salikun. Wa iyakum bituruqil dalal. Suivez les voies de guidance. Ce même si le nombre de gens qui les empruntent est peu. Et prenez garde aux voies de l'égarement. c'est même si le nombre de halikoun, de perdus, est grand. Regardez le tarbiyah de l'Mashiach. Comment on aurait répondu par ça? Qu'est-ce qu'on aurait sorti de notre cœur? Si on t'avait dit après un dars que ton égide était rempli, que les gens ils viennent jusque chez toi, etc. Douzième faïda. Fadilatu Moussa alayhi salam wa qawmih. Le mérite de Moussa et de son peuple. Treizième bénéfice. Fadilatu hadi l'umma wa annahum aktaru l'umma mittiba'a li nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite de cette communauté est qu'ils sont les plus nombreux parmi les communautés en termes de suivi de leur prophète alayhi salatu wassalam. Quatorze. Fadilatu tahqiq al-tawhid wa thawabih. Le mérite de la concrétisation de l'unicité et de sa rétribution. Quinze. Ibahatul munadara fil ilm wa nubahatha fi nusus shara'a lil istifadati wa idhari al-haqq. La permission de débattre dans la science et de discuter des preuves de la législation afin d'en bénéficier et de montrer la vérité. C'est pas que ton l'attentation les ra'yik. Ça, c'est interdit, ça. Tu parles et que tu sais que c'est même c'est le haq et que tu veux absolument que ton avis soit. Et ça arrive des fois. Moi, j'ai déjà vécu ça dans des discussions. Le frère, il sait, je le vois, il sait qu'il a tort, mais il intensifie les ra'yik. Il veut pas. C'est nefs. Une scène. Il cherche la vérité. Et quand il parle pour arriver à cette vérité. Et donc, il peut tourner lui-même dans ses discussions en fonction de la vérité. Et il y a des exemples, sont nombreux de nos ulama, nombreux. Ils n'avaient aucun problème à revenir directement dès qu'on leur a donné une preuve de quelque chose. سيز عمق علم السلف معرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل. La profondeur de la science des plus prédécesseurs, car ils savaient que ceux qui sont cités dans le hadith n'ont obtenu ce degré qu'en raison d'une action. 17. حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة. L'ardeur des plus prédécesseurs dans le bien et la compétition dans les actions vertueuses. C'est ça qui doit être entre nous, ya ikhwa fillah azza wa jal. C'est le munafasa fil a'mal. A'mal khair, l'a'mal saliha. En termes de mémorisation du Coran, mémorisation de la sunna, d'apprentissage de la langue arabe, de l'ibadat. Dix-huitième bénéfice, anatark al-ruqya wal-kay min tahqiq al-tawhid. Délaisser la ruqya et la cautérisation fait partie de la concrétisation de l'unicité. Dix-neuvième, talab al-du'a min al-fadil fi hayatihi. Demander la vocation de celui qui est vertueux alors qu'il est vivant. Vingtième bénéfice. علم علم عفوا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه. Un signe parmi les signes de la prophétie de Mohammed صلى الله عليه وسلم en ce qu'il a informé que عكاشة fait partie des 70,000 qui entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et il tomba عكاشة en martyr lors des batailles de l'apostasie qu'Allah le Très-Haut l'agré. 22. استعمال المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم. Regardez encore une fois l'adab. وما أحوجنا إلى الأدب. Et comme on a grand besoin d'adab. Mais si on n'apprend pas notre din, comment est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? C'est l'utilisation de ma'arid. Et ça je vais expliquer dans un instant c'est quoi le ma'arid. Inch'Allah. et l'excellent comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'a pas dit à l'autre homme que lui a dit Oud'ullah et j'alani minhum. Ukashi lui a dit Anta minhum. Puis quand l'autre homme s'est levé, il a dit Oud'ullah et j'alani minhum. La même phrase que Ukashi. Il lui a dit Sabaqa kabiha. Ukashi lui a pas dit non, tu ne fais pas partie d'eux. Les ulama ont différentes explications par rapport à ça. Certains ulama ont dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que lui il ne méritait pas ça, l'autre homme. Certains ulama ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Al-Fadhil va dire dans un instant, qu'il a, il a voulu bloquer, fermer la porte. C'est de dari'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit tu ne fais pas partie d'eux, mais il a dit Akasha t'a précédé en cela. Regardez l'adab, khuluq. Je reviendrai le ma'arid après. 23e bénéfice. C'est de dara'i' li alla yaqouma man laysa ahlan fa yurad. Wallahu a'lam. 23e bénéfice. Bloquer les voies, les moyens, afin que ne se lève pas celui qui ne le mérite pas et qu'il soit rejeté. Et Allah est le plus savant. Maintenant, c'était quoi le ma'arid? Il a dit que les gens de ma'arid. Le pluriel de mi'rad. Et c'est que celui qui parle, c'est un peu technique ici, celui qui parle, dise une parole qui peut avoir deux sens. D'accord ? Dont l'un est proche, mais il n'est pas voulu. Et l'indication de la formulation quant à ce sens est apparente. C'est-à-dire que tu as deux sens. Tu dis une parole, mais elle a deux sens. Il y a un sens qui est proche, mais c'est pas ce que tu veux dire, toi. D'accord ? Mais la formulation, elle indique... L'indication de la formulation quant à ce sens-là, que tu veux pas, toi, elle est apparente. Donc lui va comprendre ça de ce que tu dis, toi. D'accord ? Et l'autre sens est lointain, mais voulu, c'est ça que tu veux dire en fait, toi. Et l'indication de la formulation quant à ce sens est cachée. Et donc celui qui écoute cette parole pense que c'est le sens proche qui est voulu, alors qu'il ne veut que le sens lointain, par un indice qu'il indique, mais ne le rend pas apparent et le cache à celui qui n'est pas éveillé et perspicace. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je vous donne un exemple de la sunna que vous connaissez. Connaissez l'histoire, je ne vous dis pas les noms, vous trouvez vous-même les noms. Il y a quelqu'un qui a perdu son enfant et sa femme, elle a réagi d'une certaine manière avec lui. C'est qui ? Abu Talha et Sulaym. Son fils était malade et quand il est décédé, puis quand il est rentré, il a dit comment va le petit ? Comment va mon fils ? Elle lui a dit قد هدا وارجو انه قد استراح هان يعني il est calme, il est tranquille et j'espère qu'il s'est reposé. Il était mort, elle a pas menti. C'est ça le ma'arid. Ça c'est un exemple. Regardez la femme. Et après, le hadith il est connu que elle s'est occupée de lui, elle s'est fait belle pour lui, il s'est passé ce qu'il se passe entre un homme et son épouse et que le prophète a fait doua pour le baraka et etc. Le hadith il est connu. Regardez comment elle a géré la situation. Et elle n'a pas menti. Elle dit qad hada arju annahu qad istarah. Ça c'est un exemple que le mashaykh donne. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.